Chapitre 3 Vers nos présents désirables. Je peux vous dire quelque chose? Je ne sais pas trop si je peux. J'ai l'impression que je peux plutôt vous faire confiance. Vous avez un petit air benêt qui pousse à la confidence. Mais c'est peut-être un piège. Allez, je vous le dis. Je fais partie d'une organisation secrète de chasseuses de capitalistes. Tout a commencé quand j'ai déterré les lettres de mon arrière-grand-mère. Est-ce que je vous ai lu la fin de la lettre? Oui et non. Je vous ai lu la lettre jusqu'à la fin seulement, il y avait encore un post-scriptum. Je vous le lis. Si tu veux mon avis, c'est le début de la fin et c'est très bien. Bisous, signé ton arrière-grand-mère. Post-scriptum, mais si tu veux encore plus mon avis, méfie-toi, parce que même quand tout sera fini, ils voudront recommencer. Alors ma très chère arrière-petite, dès que tu me lis, prends tes meilleurs amis et réunis-les. Et organisez-vous. Repérez ceux qui veulent recommencer et faites le nécessaire. Je ne sais pas trop ce que ça voudra dire quand tu auras l'âge de me lire, mais j'espère que tu me comprends. Faites le nécessaire pour que ça ne recommence pas. Évidemment, rien de tel que le présage d'une arrière-grand-mère ayant vécu la folie capitalisto-tardive pour s'éclaircir les idées. C'est Mimi la mouche, ma mère, qui m'a introduite dans l'organisation. Elle-même avait été introduite par Pétronille Montès, dite Pète la mouche, dite aussi Pète, sa mère à elle. Tous les mardis soirs, on fait des réunions secrètes dans une clairière secrète. Vous prenez à gauche, deux fois à partir du gros palais Tuvier face au musée, et vous êtes dans la clairière secrète. Même si normalement, je n'ai pas le droit de vous le dire. On partage des informations sur la traque des capitalistes du coin entre nous et avec les organisations secrètes des autres zones. On planifie des opérations d'attaque et on recharge nos grenades à blob en cas de coup dur. Car il ne faut pas croire que le capitalisme ait disparu avec les premiers blobs. Des capitalistes épars ont continué d'exister jusque tard dans le blobocène. Le fait est peu connu, mais on continue d'en trouver. Après les blobs des années 2040 et 2050, des groupuscules de gérants de hedge funds et de directeurs financiers s'exilèrent en Amérique du Sud et sur les îles du Pacifique. Il y a quelques mois par exemple, le boulanger d'une zone sorcière autonome d'Amazonie rapporta qu'un groupe de jeunes gens qu'il n'avait jamais vus dans la zone avait cherché à lui acheter du pain. Il précisa avec des billets verts défraîchis sur lesquels il était inscrit dollars. On met du sel, de la levure, du vin. Les unités de désorcellerie de la zone finirent par identifier une communauté capitaliste autochtone dans une clairière à 30 km au nord, constituée d'une douzaine de familles d'anciens oligarques nord-américains, recluses dans la forêt depuis un siècle dans l'attente du retour du capitalisme tardif. La communauté continuait de perpétuer le modèle capitaliste. Ses membres étaient contraints de porter les costumes cravates de leur arrière-grand-père dès l'âge de 12 ans, à s'échanger les uns les autres les maigres tubercules qu'ils produisaient contre des dollars dans des salles de marché, à discuter dans un patois capitalisto-tardif bourré de termes managériaux. Les services sociaux de la zone prirent en charge les enfants et laissèrent les parents continuer leur existence après leur avoir fait signer une décharge de responsabilité. Et ces groupuscules réapparaissent dans un environnement dangereusement insouciant sur la question capitalisto-tardive. Je parle par exemple de la mode du rétro-capitalisme, qui prend dans certaines zones sorcières autonomes décadentes. Le fait de restaurer de vieilles charrettes capitalisto-tardives pour aller plus vite entre certains trajets, ou de réparer certaines vieilles machines à pétrole type générateur électrique pour s'amuser. Des faits trop anecdotiques pour inquiéter les unités de désorcellement des zones concernées, mais des événements profondément inquiétants pour qui connaît bien l'histoire. le capitalisme est un envoûtement très insidieux qui ne demande qu'un terreau favorable pour repartir de plus belle et reprendre possession du monde. Autant d'événements qui imposent une relecture engagée de l'histoire du capitalisme tardif. L'historiographie capitalistologique a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Jusqu'aux années 2120, on pensait que pour éviter de retomber dans le capitalisme tardif, il fallait n'ouvrir le musée qu'à des visiteurs rares et triés sur le volet. Mais sous l'influence de l'histoire sorcière dite « réflexive », développée par des historiennes et capitalistologues des zones de Beure et de Boston-sur-Mer, on en est venu à penser que la meilleure manière de mettre à distance le passé, c'est de déconstruire la manière dont on se le représente. D'où le fait que le dernier chapitre de la collection ait trait aux représentations actuelles du capitalisme tardif. Comment nous autres, citoyens post-capitalistes des années 2140, nous référons-nous à cette période? Comment le folklore post-capitaliste des zones sorcières s'approprie-t-il le capitalisme tardif, soit comme repoussoir, soit comme source d'enseignement pour l'avenir? Dans la même veine, des installations et rituels historiographiques ont été développés pour le musée par la performeuse post-capitaliste Aline Farès, dite Al la Grenouille, dite aussi Al. À l'aide de petits groupes profanes, Al explore la signification du capitalisme tardif, de sa chute et de son remplacement. Invoquant toutes les ressources poétiques et romanesques des zones sorcières autonomes, ces ateliers construisent et mettent en mots des échappatoires fictives au capitalisme tardif. Ces échappatoires sont ensuite consignés sur des feuillets de papier, puis diffusés dans les zones sorcières autonomes afin d'enrichir les imaginaires des peuples de la région. Le but étant de protéger les zones concernées par la circulation permanente de fictions post-capitalistes dans les esprits de ses citoyens. Bon, j'arrive à la fin de la visite. Alors maintenant, voici le plan. Quand vous sortirez du musée, baladez-vous comme si de rien n'était. Faites comme si on ne s'était jamais parlé. Peut-être qu'on se croisera autour de nos zones et de nos cabanes post-capitalistes respectives. Mais si c'est le cas, n'en laissez rien paraître. Reprenez votre apparence de sorcière début 22e. Comme quand vous êtes entrée. Rien dans les mains, rien dans les poches. Avec votre petit air benêt pour qu'on ne se méfie pas. Vous le faites très bien. Mais gardez les yeux grands ouverts. Ok ? Guettez. Dès que vous en apercevez un de louche, restez sur vos gardes. Collectez assez d'indices pour avoir la certitude que c'en est un. Les capitalistes tardifs ne sont pas difficiles à identifier dès lors qu'on les a dans le viseur. Ils ont une fascination mal maîtrisée pour le pétrole, les machines, les cravates, les feuilles de calcul, et ils veulent toujours acheter des trucs qui ne sont pas à vendre. Ensuite, prenez un objet lourd. Marteau, ou presse-papier, ou chaudron de rituel, ou n'importe quoi. Allez le voir. Parlez-lui d'une manière ou d'une autre. Attendez qu'il ait le dos tourné et alors... un gros coup sur la nuque. Tapez plutôt trop fort que pas assez. Les capitalistes tardifs ont la tête dure. Puis vous le ligotez. Vous nettoyez vos doigts. Vous nettoyez le presse-papier. Vous serpillez les traces sur le sol. Vous désinfectez sa nuque. Et vous envoyez un pigeon au musée. Un pigeon adressé à Tiphaine Montès, dite Tif la mouche, dite Tif. Musée du capitalisme tardif, forêt liégeoise, zone sorcière autonome de Flandrie. Après quoi j'arriverai tout de suite et je saurai quoi faire. Nombreuses et bien organisées comme on est, on les aura, ok ? on les aura.